British Connection. British Connection. Enfin une émission rock. Enfin une émission rock. Qui passe ce qu'on n'entend pas. Qui passe ce qu'on n'entend pas. Sur les radios rock. Bonsoir, c'est Sherkan. Sherkan d'ici Paris sur British Connection. Le groupe fut formé l'été 79 et très vite, Philippe Puicouyoul nous proposa d'enregistrer le générique de son film La Brune et moi, qui réunissait quelques têtes d'affiche du rock français de l'époque, comme les Loos, les Dogs ou Taxi Girl, et dont l'héroïne aux côtés de Pierre Clémenti était Anouchka, dont il est question dans le dernier roman de Patrick Lin. Une punk de l'époque bien connue des gens du Gibus. Suite à quoi, Jacques Wolfson, qui avait signé chez Vogue, Hallyday, Françoise Hardy, Dutron dans les 60s et les Stinky Toys fin 70, nous engagea chez Gaumont Musique et enregistra notre premier single, qui attira l'attention des Ramones qui cherchaient alors un groupe pour assurer les premières parties de leur tournée de septembre 80. Des quatre concerts prévus, celui de Bordeaux fut annulé, faute de prévente. Et oui, à l'époque, ils n'avaient pas encore le succès qui fut le leur par la suite. Le souvenir marquant qu'il me reste de cette tournée est celui de Johnny Ramones nous écoutant avec intérêt sur le côté droit des coulisses du Bataclan de Paris et le sourire complice qu'il m'adressa à notre sortie de scène. Voici un titre qui s'inscrit dans ce que nous ont laissé les Ramones. Si tu m'aimais encore, sur notre dernier album, Ici Paris Circus. Tu dis que tu m'aimes encore, mais je vois bien dans tes yeux un sourire devenu vieux. Tu m'aimes encore, mais n'y pas de sûrement. Enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. À la suite du premier single, nous enregistrâmes en 81 un maxi 45 tours, 3 titres, ce qui nous valut de faire la première partie de Ouba Ouba, émission d'Antoine Decaune pour les enfants du rock, avec 2 titres filmés live au Rose Bonbon, ainsi qu'un avis de recherche de Patrick Sabatier avec pour marraine Nicoletta. En 82, nous sortîmes l'album Allô le Monde, tandis que notre guitariste Si-Philippe nous quittait pour être remplacé par le Baron, qui accompagna plus tard Robert pour nombre de ses concerts après la séparation de Téléphone. Nous nous apprêtions ainsi à partir en tournée pour promouvoir l'album, quand notre chanteuse Marie nous laissa tomber, n'acceptant qu'un dernier concert en octobre au métro d'Assion en compagnie de Taxi Girl. Abandonnés, nous nous découvrons alors une femme inattendue qui venait d'acheter Allô le Monde et qui désirait que je lui écrive des chansons. Anice Alvina qui triomphait à la télé dans le feuilleton Les 400 coups de Virginie, qui avait tourné dans les films de Rob Grillet, Lewis Gilbert, Dino Risi ou Gérard Blin et débuté dans le film de Michel Audiard Elle fume pas, elle boit pas, elle drague pas, mais elle cause. Elle devint donc la chanteuse d'Ici Paris et nous participâmes ainsi aux Champs-Élysées de Drucker, ce qui nous permit de signer un nouveau contrat chez Arabella. Voici le ver interplanétaire qui parut sur notre disque « Maman, je ne veux plus aller à l'école », réinterprété ici par sa fille Azadeh sur notre nouvel album « Ici Paris Circus ». Connection, L'émission rock qui vous fait découvrir les groupes que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Et on retrouve Shurkan d'ici Paris dans British Connection. En 83, nous enregistrâmes donc « Maman, je ne veux plus aller à l'école » avec Anis et Alvina pour chanteuse. Nous assurions le mixage nous-mêmes, ce qu'Arabella nous reprocha en allant faire un autre à Londres, dans lequel il supprimait toutes les guitares, nous laissant pour choix de l'accepter et de bénéficier ainsi de passages radio sur RTL, Europe 1 et consorts, ce qui signifiait « tube », ou de choisir notre propre mix en étant interdit de radio. Nous fîmes le second choix et furent en effet censurés des programmateurs radio. Nous passâmes malgré tout beaucoup en télé, car avec nos looks de série B de films d'horreur, nous faisions le spectacle. Mais en France, si l'on ne passe pas à la radio, on ne vend pas de disques, et malgré les 25 000 unités vendues, nous fûmes virés de chez Arabella. Des années plus tard, en 2005, Anissé me convainquait de reprendre la musique que j'avais abandonnée par dégoût du showbiz. Mais comme je lui apportais la nouvelle chanson que je venais de composer, elle m'apprenait qu'elle était atteinte du cancer qui l'emporta l'année suivante. Azadeh, sa fille, décida de prendre la suite de sa maman, rejointe en cela par deux amis de son âge qui rajeunirent le groupe et ses deux membres originels restants. S'ensuivirent un EP 5 titres, une dizaine de clips vidéo, les premières parties de Didier Vampas à Caen et de La Femme au Trianon, et enfin notre nouvel album Ici Paris Circus, dont voici un titre composé par Azadeh et Geronimo le bassiste, Pantera. Sur ce, bonsoir British Connection. Et à bientôt pour la suite. Merci Shurkan. Yeah. J'ai peut-être British Connection, j'en suis folle le jour et la nuit. J'en fais même des incendies. It's only rock, British Connection. Sad, Cancer and Drugs, extrait de leur fameux album Rue de Siam, c'est en 81. Alors si vous voulez passer un bon moment, vous marrer, vous allez sur internet, ça se trouve facilement. Il y a une vidéo d'une vieille émission où passait Marquis de Sade avec en présentateur Thierry Leluron, la bande son ne démarre pas, c'est du playback, enfin, la scène est vraiment hyper cocasse, vous la trouverez très très facilement d'ailleurs sur YouTube. À la même époque, un groupe Picard qui a une durée de vie assez courte, hein, 78-84, comme beaucoup de groupes à l'époque, hein, ça ne durait pas long feu comme disait ma grand-mère, VC3 avec le titre Poupée Bebop. Pop, twist and shot, poupéro des teenagers. Pop, amour électrique, funny boy, funny girl. Pop, pop, twist and shot, super fun swing érotique. Pop, pop, twist and shot, énergie frénésie twist. Poupée Bebop, twist and shot, tu m'abandonnes à ton robot dans ses cotons. Poupée Bebop, twist and shot, tu m'abandonnes à ton robot dans ses cotons. twist and shot. Danse, danseur atomique, latex jusqu'aux dents, combiné laser et blanc. Bop, bop, twist and shot. Tu cognes, tu bastonnes. Bop, bop, twist and shot. Uppercut, killer et twist. Poupée, bebop, twist and shot. Tu m'abandonnes, attends, on va danser cotton. Poupée, bebop, twist and shot. Tu m'abandonnes, attends, on va danser cotton. Assez nostalgique, hein, je vous l'accorde. Après Ici Paris, après Marquis de Sade, VC3, on va terminer avec les Blaise Virgin, un premier album enregistré en Grande-Bretagne. Ce titre est cultissime, Jean-Pascal et la France, qui était d'ailleurs inspiré par le batteur d'Aspirine, qui était le petit frère de Frédéric, le bassiste, et qui tenait ce prénom, Jean-Pascal. Et ce titre, Blaise Virgin dans British Connection. Pascal pour la France. Jean-Pascal n'a jamais cessé de vivre. On le lâche de partout, c'est bien compréhensible. Un humain, ça travaille. Jean-Pascal, il écrit. La France, ça ne s'écrit pas. La France, ça se construit. On prend Jean-Pascal dans ton cerveau, ça lance. Mais que fait donc Jean-Pascal pour la France? Connection, l'émission rock qui annonce les titres qu'elle diffuse. C'est devenu tellement rare. British Connection, l'émission rock vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Deuxième partie de l'album de la semaine, il s'appelle Les Marteaux Piquettes, l'album Racine Carrée de vos utopies. Salut, c'est Manga des Marteaux Piquettes. Alors je voulais vous parler encore de la chanson Mon Président. Donc, et sur notre nouvel album, Racine Carrée de vos utopies, évidemment. Donc, cette chanson est un texte puissant et engagé qui ne parle pas de camembert. «